Nous allons maintenant nous intéresser aux critiques qui ont été formulées à l'encontre de la psychanalyse. En effet, la théorie freudienne a fait l'objet de très importantes critiques qui font qu'elle est aujourd'hui très contestée. Alors, on distinguera trois grands types de critiques. D'abord, des critiques d'ordre épistémologique, ensuite des critiques théoriques, et puis des critiques portant plutôt sur la thérapeutique. Alors, j'expliquerai à chaque fois ce que j'entends exactement par là. En premier point ici, la critique épistémologique de la théorie freudienne, c'est-à-dire une critique qui est relative au statut de la psychanalyse en tant que science. Et donc cette critique épistémologique va surtout s'intéresser à la méthode de la psychanalyse, à la méthode défendue par Freud, et va montrer qu'en fait cette méthode ne correspond pas à ce qu'on attend normalement d'une science. Alors, on l'a vu au départ, Freud était médecin. Son objectif, ce n'était pas simplement de procéder à des spéculations philosophiques. Il prétendait faire œuvre de science en mettant à jour la nature réelle du fonctionnement de l'esprit humain à partir d'une méthode rigoureuse. Cependant, il apparaît que la théorie psychanalytique ne respecte pas les normes de la science et n'est pas une véritable théorie scientifique comme Freud le prétendait. Et ça, c'est ce que défend en particulier l'épistémologue ou philosophe des sciences Karl Popper. Popper était autrichien comme Freud, hein, il a grandi dans un milieu qui était déjà assez imprégné par les idées freudiennes. Hein. Popper est né au tout début du XXe siècle, donc un moment où Freud commençait à être un petit peu connu. Et Popper commence sa carrière de philosophe dans les années 30. Et au début de sa formation de philosophe, il était assez convaincu par les idées freudiennes. Et puis c'est quelqu'un qui a fait partie de tout un mouvement en Autriche de réflexion sur la science à cette période. Et il a commencé à réfléchir à la démarcation entre les théories scientifiques et ce qu'il appelle des théories pseudo-scientifiques. C'est dans le cadre de cette réflexion qu'il a fini par critiquer la psychanalyse, se prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cette théorie et la remettre en cause. Alors, qu'est-ce qu'il appelle une théorie pseudo-scientifique? C'est un discours dont les auteurs, dont les défenseurs, cherchent à montrer la scientificité, hein, que les défenseurs cherchent à faire passer pour scientifique. Hein, c'est-à-dire à dire, voilà, notre discours, notre théorie explique le monde, permet de faire de bonnes prédictions sur le monde. Mais pour autant, ce discours pseudo-scientifique, eh bien, en réalité, il n'a pas les vrais atouts d'un discours scientifique. On pourrait prendre l'exemple, un exemple fameux, alors qui là pour le coup est assez évident, ce qui est celui de l'astrologie. L'astrologie, donc, c'est un certain type de discours, un certain type de pratique, qui parfois prend un peu des atours d'une science, en tout cas. Prétend avoir une forme de scientificité. En effet, l'astrologie prétend expliquer et prédire un certain nombre d'événements qui se produisent, notamment dans la vie des personnes, en fonction de la position des planètes et des constellations. Ça, c'est la base de la théorie astrologique. Voilà. Mais en réalité, l'astrologie n'a aucun fondement solide, hein. En fait, les liens qu'elle établit aucune preuve, en fait, ils ne fournissent aucune preuve véritable, et les prédictions que fournissent les astrologues n'ont en réalité aucune valeur. En fait, ces prédictions, elles sont toujours formulées de façon suffisamment vague et imprécise pour être toujours vérifiées. Ça va être le cœur un peu de la critique des théories pseudo-scientifiques sur Popper, c'est qu'une théorie qui est toujours vérifiée, eh ben en fait, il faut s'en méfier. Ça veut peut-être dire qu'en réalité, cet énoncé, il n'a pas vraiment de valeur. Alors, on va prendre un exemple d'énoncé, pour le coup, dans l'astrologie. Il y aura toujours des faits qui sembleront correspondre à des énoncés très très vagues. Alors, je vais prendre un exemple à tirer d'un horoscope. Je cite l'horoscope. Vous vous sentez en pleine forme et vous avez envie de réaliser quelque chose aujourd'hui. Une opportunité va se présenter à vous et vous allez la saisir sans la moindre hésitation. Il faut aller franchement de l'avant, il n'y a aucune raison de douter de vous, car toutes les chances sont de votre côté, l'avenir vous donnera raison. Alors, vous voyez bien, bon, ça reste très vague, c'est motivant, hein, c'est sûr, c'est motivant, mais en fait, cette prédiction, elle laisse place en fait, à énormément d'interprétations subjectives, c'est-à-dire que... selon la façon dont vous ressentez ces énoncés, vous pourrez leur donner raison d'une manière ou d'une autre. Et donc n'importe quel événement dans votre vie, même dans votre journée, il pourra être interprété positivement au regard de ces énoncés. En fait, la croyance en l'astrologie, elle repose sur ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est aussi l'effet de validation subjective. C'est-à-dire qu'on croit à l'énoncé non pas sur la base de preuves rigoureuses, de justifications rigoureuses, mais parce que l'énoncé fait écho à notre expérience personnelle, ça nous parle. En fait, ce type de croyance, on retrouve aussi pour la croyance dans les discours des médiums, de l'homéopathie, enfin, ce type de discours qui, en fait, du point de vue popérien, sont pseudo-scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ne reposent pas sur des preuves solides, mais comme ça parle à l'expérience des gens, et bien les gens y croient. Et donc, ce que fait l'astrologue, pour reprendre cet exemple-là, c'est qu'il formule des prédictions qui sont toujours un peu vagues, et il va faire en sorte de pouvoir les justifier. Alors si la prédiction est un petit peu plus précise, comme « votre équipe de sport gagnera bientôt un match » ou « cette année vous allez rencontrer l'amour » et que ce n'est pas confirmé, il y aura toujours un petit peu la façon de réinterpréter ce discours. On peut prendre un exemple, pour le coup, qui est connu. C'est qu'en décembre 2010... L'astrologue Elisabeth Tessier, donc une dame qui intervient souvent sur les plateaux de télévision pour prédire l'avenir, bon, eh bien en 2011, elle avait prédit que l'année 2012 serait une année géniale pour Dominique Strauss-Kahn. Donc, Dominique Strauss-Kahn, qui à cette époque était dans les sondages annoncé comme l'un des candidats les probables de l'élection présidentielle, qui avait plus de chances de gagner l'élection présidentielle de 2012. Bon, bah, quelques mois plus tard, DSK, il s'est retrouvé incarcéré et inculpé pour viol aux États-Unis, ce qui l'empêcha de participer à l'élection. Ça semblait réfuter la théorie. Mais bon, quelques mois plus tard, il a été acquitté, et donc Elisabeth Tessier pouvait dire, ah, bah, vous voyez, en fait, la prédiction ne portait pas sur l'élection, elle portait sur l'acquittement. Voilà, donc 2012 était bien une année géniale. Donc il y a toujours un moyen de, comme l'énoncé est suffisamment vague, suffisamment imprécis, il y a toujours un moyen de se rattraper d'une certaine façon. Alors qu'un énoncé scientifique, lui, il doit être précis. Il doit pouvoir être suffisamment précis pour pouvoir être testé et éventuellement remis en cause. Donc c'est là qu'on voit un peu la différence entre une science et une pseudo-science. Pour Popper, une théorie scientifique, elle est nécessairement réfutable. C'est-à-dire que les énoncés qu'elle contient, ils doivent pouvoir être soumis à des tests qui vont potentiellement les remettre en cause. Une théorie scientifique, ce n'est pas un dogme religieux qui est déclaré vrai de façon absolue et définitive. Une théorie scientifique, c'est un discours qui cherche à s'approcher de la vérité par tâtonnement, mais toujours en assumant son caractère faillible. C'est-à-dire que le scientifique, il sait très bien que les hypothèses qu'il fait, elles pourront être remises en cause par des tests qui seront effectués soit par lui-même, soit par d'autres savants. Ainsi, la science, selon Popper, elle progresse par la réfutation des théories plus anciennes. Quand certaines expériences ont montré les limites de ces théories, qu'on n'a pas réussi à les corriger de telle sorte que ça corresponde bien au fait, eh bien, il faut dire, bon, bah, cette théorie, elle ne marche pas, il faut qu'on l'abandonne, qu'on la remplace par une autre. Un exemple très connu, c'est que voilà, la théorie de Newton, qui permettait de faire un certain nombre de prédictions correctes, eh bien, on s'est rendu compte qu'elle rencontrait certaines limites, qu'il y avait certaines choses qu'elle n'arrivait pas à prédire, qu'elle n'arrivait pas à expliquer, comme par exemple l'orbite de Mercure, on ne trouvait pas d'explication correcte dans le cadre de la théorie newtonienne, et donc cette théorie finalement elle a été en quelque sorte abandonnée, ou en tout cas elle a été remplacée par une théorie meilleure qui est celle d'Einstein. Voilà, et peut-être que la théorie d'Einstein, dans un certain nombre d'années, elle sera à son tour réfutée et remplacée par une meilleure théorie, plus complète, plus précise, moins approximative. Et donc, il y a cette idée pour Popper que une théorie scientifique, elle doit être réfutable. Ça, c'est ce qu'il dit, je vais le citer, dans la logique de la découverte scientifique. Et, citons-le, une théorie scientifique permet la déduction d'implications observables qui présentent un risque, un risque d'être réfuté. Le chercheur énonce quel fait pourrait confirmer son hypothèse, mais quel fait pourrait l'infirmer. C'est-à-dire que le scientifique, il anticipe non seulement ce qui prouve sa théorie, mais surtout ce qui peut la réfuter. Il doit y penser. Une pseudo-science, par contre, ne peut préciser des faits qui viendraient remettre ces énoncés en question. Donc, d'un côté, le scientifique, il formule une hypothèse. Il doit toujours prendre en compte la possibilité que les faits ne correspondront pas à sa prédiction, et donc qu'il devra renoncer à son hypothèse. En revanche, c'est le propre du pseudo-scientifique de faire des prédictions sans prévoir d'hypothèse contraire. La théorie est considérée comme prouvée, quels que soient les faits observés. Notamment, là, on passe de l'astrologie à la psychanalyse, Freud explique les troubles psychologiques par le mécanisme du refoulement de traumatismes ou d'actes passés. Mais pour réfuter cet énoncé, il faudrait montrer que la prise de conscience d'événements traumatiques n'entraîne pas la fin de ces troubles. Et donc, voilà, on a quelqu'un à refouler quelque chose, et puis finalement, il en prend conscience, mais il continue d'être troublé. Donc, alors, est-ce que ça veut dire que le refoulement n'existe pas, que la théorie est fausse? Et bien, Freud dira non, ça veut simplement dire que la psychanalyse n'est pas terminée, la thérapie n'est pas terminée, la prise de conscience est incomplète, il y a encore des contenus refoulés, donc il faut que le patient revienne la semaine prochaine, et même pendant plusieurs mois, pour continuer son traitement, pour finir par prendre conscience de tout ce qui a été refoulé. Donc on ne pourra jamais savoir si le refoulement existe ou pas, d'une certaine façon. Et donc, c'est en ce sens que Popper nous dit que la théorie freudienne, elle ne respecte pas le critère de réfutabilité. C'est une théorie irréfutable, au sens où elle est formulée de telle sorte qu'elle ne pourra jamais être remise en cause par des observations ou des expériences. Et même au contraire, nous dit Popper, le psychanalyste, il condamne à l'avance les critiques qu'on pourrait lui adresser. En effet, selon Freud, celui qui rejette les découvertes de la psychanalyse, il est mu par ce mécanisme de la résistance, c'est-à-dire ce mécanisme inconscient qui empêche l'individu de prendre conscience d'une vérité dérangeante. En gros, si on ne veut pas admettre la psychanalyse, c'est parce qu'on ne veut pas admettre l'inconscient qu'on a en nous, d'une certaine façon. Alors, on peut citer un passage un peu plus long, tiré de son ouvrage Conjecture et réfutation, dans lequel Popper critique la psychanalyse, mais également le marxisme. Il considère que le marxisme, c'est aussi une théorie pseudo-scientifique qui fait des prédictions, mais sans jamais anticiper de contradictions possibles. Donc, l'étude de l'une et l'autre de ces théories, donc psychanalyse et marxisme, semble avoir l'effet d'une conversion intellectuelle ou d'une révélation, vous permettant de découvrir une vérité nouvelle, cachée aux yeux de ceux qui n'étaient pas encore initiés. Une fois que vos yeux s'étaient ouverts, vous découvriez des confirmations n'importe où. Le monde était plein de vérifications de la théorie. Tout ce qui pouvait arriver la confirmait toujours, sa vérité était donc manifeste. Ceux qui refusaient la théorie étaient évidemment des gens qui ne voulaient pas avoir l'évidente vérité. Ils refusaient de la voir, ou bien à cause de leurs intérêts de classe remis en question, ou bien à cause de leur refoulement, non encore analysé et réclamant de façon criante une thérapie. Donc là, il nous dit, voilà, ces théories-là, finalement, elles sont toujours vérifiées. Elles peuvent jamais être mises en cause parce que tout événement, tout fait, est l'occasion de vérifier la théorie. Donc ça, pour Popper, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout le signe que c'est scientifique. Au contraire, c'est le signe que c'est une espèce de théorie beaucoup trop vague, beaucoup trop imprécise, et qui refuse l'idée même de test. Donc, on ne peut pas l'admettre comme scientifique. Alors, donc je reprends, je vais citer un peu plus loin. Donc, les théories de Freud ou d'Adler, donc Adler, c'est un autre psychanalyste alors, qui s'est un petit peu fâché avec Freud, qui a développé sa propre théorie. Donc, les théories de Freud et d'Adler étaient simplement non testables, irréfutables. Il n'y avait pas de comportement humain concevable qui pût les contredire. Cela ne signifie pas que Freud et Adler ne voyaient pas certaines choses correctement. Je ne doute pas pour ma part qu'une bonne partie de ce qu'ils disent soit d'une importance considérable et puisse très bien jouer un jour un rôle dans une science psychologique qui soit testable. Mais cela signifie que les observations cliniques, dont les analystes, c'est-à-dire les psychanalystes, croient naïvement qu'elles confirment leur théorie, ne peuvent en aucune façon le faire plus que les confirmations quotidiennes que les astrologues trouvent dans leur pratique. Les observations cliniques, comme toutes les autres observations, sont des interprétations à la lumière de théories, et pour cette simple raison, elles donnent l'impression de confirmer les théories à la lumière desquelles elles sont interprétées. On me dit, voilà, les psychanalystes, que ce soit freudiens ou adlériens, ils trouvent tout un tas de faits qui ont l'air de confirmer leurs théories, mais c'est juste parce qu'ils les réinterprètent toujours en fonction de leurs grandes idées, mais sans jamais vraiment les tester. Alors, on le voit bien, on constate bien, c'est que Popper ne dénie pas toute valeur à la psychanalyse, il dit, oui, il y a sans doute des choses intéressantes dans ces idées-là, mais on ne peut pas lui accorder le statut de science. C'est en cela qu'il critique la position freudienne.